Je vous propose de continuer après cette écoute du son mystère avec la chronique de Doris et Vincent de Roguin. Hier, elles ont discuté du compositeur Xenakis. Vincent de Roguin, les livres qu'il trouve bien. Bonjour Vincent. Bonjour Doris. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un livre qui est écrit par Maki Xenakis, qui s'appelle Un père bouleversant. Ouais, c'est ça, c'est un livre qui est sorti maintenant il y a quelques années, qui a été réédité tout récemment, mais qui est donc les mémoires, si on veut, de la fille de Yanis Xenakis, qui est un célèbre compositeur du XXe siècle de musique électronique et contemporaine classique. Il s'agit d'un livre assez léger, vraiment les souvenirs et des témoignages de la fille de Xenakis sous l'angle de leur dynamique familiale et elle, de sa perspective sur ce père qui était quand même un personnage vraiment particulier, quoi, qui a eu un parcours assez incroyable et qui a vraiment marqué énormément le monde des arts tout au long du XXe siècle, de l'architecture aussi. Il était architecte et c'est un livre qui se lit bien. C'est un joli contrepoint, disons, avec la rigueur et la radicalité des inventions de Xenakis père. Elle y apporte à cette histoire quelque chose de beaucoup plus émotionnel et sentimental, qui est vraiment le rapport d'une fille avec son père. En feuilletant le livre, j'ai vu qu'on parlait de musique électro-acoustique. Alors, si j'ai bien compris, c'est cette musique-là que produisait Yanis. Alors, c'est quoi la musique électro-acoustique et c'est quelle sorte d'instrument ? Alors, la musique électro-acoustique, si on veut, la musique électro-acoustique, c'est... étymologiquement, c'est une musique qui mélange des sources électroniques et acoustiques. Mais au niveau de ce que ça représente comme moment historique, c'est des musiques électroniques d'avant-garde, expérimentales, qui ont émergé tout au long des années 1950, beaucoup dans les années 60, et à certains moments, dont le terme s'est mélangé avec la musique concrète, et la musique électroacoustique, d'une certaine manière, aujourd'hui, est devenue un synonyme pour musique expérimentale, électronique, de musique qui ne sont pas de la musique avec du pulse, avec de la danse, enfin une musique qui a comme objectif de faire danser ou de faire bouger la tête, c'est plutôt des choses abstraites, assez compliquées, un peu archipéliennes comme tu as tendance à le dire. Et Xenakis, père, donc Yanis, est un grand pionnier de ces musiques-là. C'est vrai, la fin des années 50, à Paris, il fait ses premières expérimentations électroacoustiques et électroniques, et c'est une musique super radicale. Encore aujourd'hui, en 2023, on écoute ça. Pour moi, ça me scotche à chaque fois parce que j'ai l'impression que depuis, il n'y a pas grand-chose d'aussi puissant et fondamental qui a été créé. Maki parle souvent du fait que son père a eu vraiment une carrière assez incroyable. Alors ça, on peut le dire, ouais, il est né en Roumanie, donc il est d'origine grecque. Il est né en 1922 et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été dans la résistance en Grèce et il a été blessé par des débris d'obus. Il était blessé au visage, donc il avait une plaie, une cicatrice très importante sur le visage qui lui confère, quand on regarde les photos de Xenakis, toujours quelque chose d'assez singulier. Et après ça, il est formé comme architecte. Et il travaille dans le bureau d'architecture de Le Corbusier, tout grand architecte du XXe siècle. Et Xenakis travaille avec Le Corbusier à l'Expo universelle de Bruxelles en 1958. Tu sais où il y a l'Atomium. Et il construit avec Le Corbusier ce qui a été appelé le pavillon Philips, dans lequel Edgar Varèse présente Poèmes électroniques, avec un peu de la musique de Xenakis en première partie, si je me souviens bien. Et ensuite, Xenakis décide de se lancer dans une carrière de compositeur, davantage après des soucis relationnels avec Le Corbusier, et devient vraiment une force de créativité dans l'histoire de la musique expérimentale, si on veut, européenne, et après internationale. Et il compose des pièces avec des sons, des fois des sons concrets, des fois des sons purement électroniques, des fois des mélanges des deux, et aussi beaucoup de musique instrumentale. Et plus il a avancé dans sa carrière, plus il s'est porté vers la musique instrumentale, un peu, disons, plus régulière, avec des instruments de l'orchestre. Et c'est quelqu'un qui a utilisé énormément les mathématiques dans la musique. Il a utilisé des techniques qui avaient trait à la musique aléatoire, à des calculs savants pour pouvoir produire des partitions extrêmement complexes, subdiviser le son. Et ça marque énormément son travail, qui est quand même un travail assez radical et qui mérite en tout cas une attention assez particulière parce que c'est pas facile d'accès. J'étais frappée par le fait que dans le livre, il y a des images, à la fois des images d'architecture et à la fois des partitions graphiques avec plein de traits, des points partout. Et alors je me demandais, vu qu'il était architecte, tu créais l'espace, et est-ce qu'il utilisait l'espace pour sa musique ? Oui, alors ça c'est tout un aspect de son travail qui est énorme, où il a effectivement fait des spectacles de son et lumière, où il utilise des espaces, il utilise l'architecture. Enfin, il y a vraiment toute une partie du travail de Xenakis. C'est dense, c'est extrêmement. Moi, je connais un peu moins maintenant. Et c'était quelque chose qui s'appelait les polytopes à la fin des années 60 et plutôt les années 70, et en fait qui faisait dans différents lieux et qui était ce qu'on appelle un peu des spectacles son et lumière à l'époque, où il y avait des projections, des lumières et la musique. Musique qui était projetée de différents haut-parleurs. Et oui, en fait, c'est aussi Xenakis, il est aussi connu comme pionnier de l'informatique musicale. Il a aussi inventé la technologie pour pouvoir produire des partitions entre le dessin, la partition graphique, avec un ordinateur qui lit des dessins. On alimente un ordinateur en dessinant et il reproduit électroniquement ce qu'on a dessiné. C'est une interface graphique qui s'appelle UPIC, qui est dès le milieu des années 70, je crois, qui fait ça. Et bon, c'est quelqu'un, il faut vraiment plonger dans sa vie, et c'est vrai que ce livre de sa fille offre un regard différent en fait sur cette espèce de force de vie qu'il avait, qui était en fait un créateur absolument exceptionnel, on peut le dire, quoi. Même aujourd'hui encore, qu'on se plonge dans son travail, on est vraiment assez épaté par le spectre de toutes les choses qu'il a faites dès le milieu des années 50 jusqu'aux années 90. Je crois qu'il est mort, s'il me semble, à toute fin des années 90 ou au début des années 2000. Alors, au revoir, pensons. Au revoir, Doris.